place. Je voulus mettre la couronne du roi, mais par hasard elle ne me fit pas. Comme la dernière carte du paquet, elle ne s'est pas retournée. Elle était faite toute de cœur, et moi d'un trèfle fané. Face à la porte menaçante, son sourire d'adieu angélique, en pleine cour me retrouvais-je, n'ayant pour moi que mon cheval, ne pouvant suivre le cortège, ne pouvant suivre le mistral. Que vaut donc ces filles aux cheveux blonds, sans doute plus que moi, me dira-t-on. Mais je l'ai vu passer, alors pourquoi me taire? Je me suis encore fait une histoire imaginaire, dans ce petit bar entre amis célibataires, il nous restera quand même la bière. Alors pourquoi me taire? Je suis encore fait une histoire imaginaire, dans ce petit bar entre amis célibataires, il nous restera toujours la bière. Carte du paquet, elle ne s'est pas retournée. Elle était faite toute de cœur, moi d'une tresse fanée.